Présentation demain du UFC 229, et ça va mettre aux prises Conor McGregor. Et il fait un retour dans l'octogone. On en parle avec notre ami Claude Perrault. Salut Claude. Salut, ça va? Ça va bien, Claude. Effectivement, donc demain, c'est McGregor qui fait un retour. À quoi s'attendre de McGregor? Certainement qu'il a fait des phrases qu'on le sait. Mais à quelque part, Dana White et toute son organisation doivent espérer une bonne performance de McGregor pour après peut-être un affrontement contre Georges St-Pierre, qui sait? Ouais, bon, c'est sûr que le McGregor, pour point de vue marketing, tout ça, c'est pas mal la grosse machine ouais. Là, du UFC présentement. Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse machine avec lui, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer demain. Là. Ça va être un très, très, très bon combat parce qu'on a deux. C'est un bon vieux. Une bonne vieille rencontre comme dans le bon vieux test, si on veut un peu là, quand, ce qu'on appelle un striker contre un grappler, contre un gars de plus de ça. Fait que ça va nous donner sûrement un bon combat. Est-ce que dans le cas de McGregor, on a choisi un adversaire quand même qui est battable parce que dans le cas de McGregor, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas combattu? Non, écoute Khabib, là, il est 26-0, je pense. OK. Fait que, ouais. Il a débattu tout le monde, là. Puis ça, c'est un grinder qu'on appelle. Il amène les gars au sol. Il n'est pas tellement un soumetteur ni un gars qui va avoir de chaos, mais il fait abandonner les gars, tu sais. Il impose un gros rythme après ça. Quand il tombe d'impact, là, il a des très bons amenés au sol. Puis rendu au sol, il se positionne, puis là, il tape, là. Donc, tu vas passer chaos au sol. OK. C'est un gros gars de position, là. Ça, normalement, en tout cas, techniquement, là, sur le papier, c'est pas un bon match-up pour McGregor. Là. Okay. Par contre, il y a Khabib, une certaine faiblesse debout là, qui peut être exploitée par McGregor. On sait comment est-ce qu'il frappe dur, on sait comment est-ce qu'il est capable d'être très, très, très précis. Par contre, si ça va au sol, McGregor, il a pas vraiment été testé au sol. Puis les fois qu'il était au sol avec des gars qui savaient ce qu'il faisait comme Mendes et tout ça, il avait passé quand même un mauvais quart d'heure, puis c'est rien comparé de Khabib. Okay. Donc, c'est sûr que Khabib, il ne se fatiguera pas non plus. Ça va être un bon combat. Je pense que les preneurs au lit donnent Khabib un petit peu en avant. Ah oui? Oui. Ah oui, non, je veux dire. C'est, okay. C'est sérieux, là. OK. Puis, mais ça peut se terminer d'un bord comme de l'autre. Je te dirais, si Conor réussit à le pincer, ça peut se finir n'importe quand. Mais si Khabib commence à être capable de mettre la main dessus, puis d'amener au sol, là, ça risque de finir aussi là, de cette façon-là. Ça va être intéressant. C'est vraiment un striker contre un grappler, donc ça va être un bon combat. Parce que ce qu'on dit, c'est que dans le cas du Russe, c'est qu'il y a une bonne défensive. Hein? Oui, ben quand même, c'est parce que c'est ça. Il y a des bons amenés au sol, il y a des bons setups, mais des fois, il vient large un peu. Puis écoute, contre McGregor, qu'on sait que ses entrées-sorties sont très rapides, puis c'est un bon contre-attaquant, avec il est gaucher. Puis il n'y a pas avoir là, pour jouer quelqu'un avec un coup de poing. C'est que des fois, ça fait une mauvaise combinaison avec un grappleur aussi. C'est que c'est pour ça que ça donne un combat excitant. OK. Donc, tu y vas à qui, toi? Tu me dis que les... C'est sûr que McGregor, j'aime plus ou moins sa personne. Ben, j'aime plus ou moins la façon qu'il fait de la promotion pour qu'il se promouvait. Là, puis ça, c'est bien personnel. Mais sinon, non, j'ai hâte que quelqu'un ferme la trappe un peu. OK. Et Khabib, moi, je suis un gars là, plus un grappler aussi. Donc, j'ai toute tendance à prendre pour les gars de sol. OK. Mais ça va être un bon combat. Là. Donc, mais ça, effectivement. Donc, est-ce que, d'après toi, si McGregor l'emporte, on va avoir un affrontement de GSP contre McGregor? Ah, je sais pas. Il y en a une couple qui peut lui donner de la misère encore à McGregor. Donc, les deux qui se battent en sous-carte, là, Ferguson puis Pettis. Ouais. C'est des gars qui peuvent aussi facilement. Des adversaires très, très, très. Pour n'importe quel des deux qui va gagner entre Khabib et Conor, il va rencontrer Ferguson ou le gagnant de Ferguson puis Pettis. OK. Donc, parce que McGregor, il a pas cleané aucune division encore. Là, parce que ça fasse deux, trois combats dans la même division. Ça sera le fun. C'est parce qu'il y a une grosse. C'est parce que c'est une grande gueule, puis il est quand même bon, puis il a livré, quoi. C'est pour ça que comment. Ah oui, il est bon, là. Ouais. Mais toute sa notoriété, quand même. Il y a quand même toute sa notoriété. C'est la grande vedette du UFC. Autant dans le temps, c'est Anderson Silva. Oui, c'était, ouais. Ouais, mais c'est pas comme Anderson Silva pour ça. Pas non, mais je veux dire au niveau marketing. Il a défendu son titre. McGregor, il a jamais défendu aucun de ses titres. OK. Jamais. Il a gagné, puis après ça, il est en allé à 155 livres, il a gagné contre, Bon, c'était pas un grand champion, là, mais il a quand même battu. Mm. Après ça, il est allé faire de la boxe, tu sais, veut dire, il a pas cligné aucune division, là. Ouais. Moi, j'ai hâte qu'il fasse 4-5 de fil, là, MMA, là, qu'on voit un peu de qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. OK. Mais il est bon, il est bon. Non, mais ce que je voulais te dire, il y a quelque chose quand même. Il y a du charisme, ce gars-là. Il y a quelque chose qui fait qu'il colle, parce que c'est quand même la vedette du UFC, là. C'est ça que je voulais dire. Oui. Oui, ouais. C'est son trash talking, mais c'est un gars qui livre, là. Ouais. Il livre, il a une grande gueule, mais il gagne, donc. Ouais. C'est ça. Moi, ce que je te dis, moi, c'est pas mon style d'athlète, là, c'est pour ça, mais ça y enlève rien. Là. OK. Donc, maintenant, dans les autres combats. Ben, il y a deux, trois bons autres combats. Là. Il y a Ferguson, justement, puis il y a Pupetis qui fait la demi-finale. Ça va être ouais. Bon. C'est deux tops à 151 livres aussi. Deux gars qui peuvent battre Conor McGregor aussi, là, en tout cas, qui pourrait donner sûrement des bons combats. On a Dominic Rice contre Alice Saint-Breu. Ça, c'est des gros bonhommes, mais Rice, il est 9-0. Puis, il gagne tout au premier rang, on a date, soit par soumission, soit par KO. Ça fait que ça va être intéressant à voir aussi. Puis, un autre combat de gros bonhomme, Alexander Volkov contre Derek Lewis. Volkov, écoute, il est une bonne lancée. Il a battu à son dernier combat. Il a donné une excellente prestation là, contre Russo Verdum, contre Stefan Struve, contre Roy Nelson. Il les a battus. Fait que, il est une bonne lancée. Ça va être un bon combat de gros bonhomme aussi. Donc, il y a deux bons combats de gros bonhomme. Puis, il y a un combat de femmes aussi, Michael Watterson contre Phyllis Herring. Ça va être deux bonnes combattantes. Watterson a un style plus karaté. Phyllis Herring, un petit peu plus sol, avec quand même un bon debout. Ça fait que ça va donner des bons petits combats. Après, il y a quelques autres non moins connus, là. Mais on a au moins 4-5 bons combats, c'est ce qui va être. Quand McGregor est là, c'est quand même une des grosses cartes. C'est la tête d'affiche, donc faut que ce temps. Il n'y a pas juste une finale. C'est ça qui est bon à MMA comparé à la boxe. Comparé à la boxe, c'est juste une finale. Dans ce cas-là, on a 4-5 gros combats. OK. Ça va être une belle soirée de MMA. OK. Claude, on s'en parle dans le cadre du UFC 230. Ben parfait, Dan. Notre ami Claude Perron.